Les joueurs coréens ont regagné la patrie le 30 décembre après avoir participé au premier championnat d'Asie Nord-Est de taekwondo tenu du 16 au 18 décembre en Chine. Y avaient participé une centaine de joueurs et joueuses de divers pays et régions, notamment la Corée, la Mongolie, le Népal et le Turkménistan. Les taekwondoïstes coréens ont décroché 19 médailles d'or.